J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. Le journal, 15 septembre 1933. Les premières de l'écran. L'événement de la semaine fut la présentation de ce fameux King Kong, attendu avec curiosité. Le scénario est d'Edgar Wallace, et ce nom célèbre suffirait à lui seul pour justifier l'intérêt. Déjà, avec « Le monde disparu », qui date de plusieurs années, nous eûmes de ces tableaux préhistoriques au cours desquels s'ébattaient des monstres antédiluviens. Plus tard, la mort de Siegfried nous montra le héros aux prises avec le fameux dragon. Et on peut encore évoquer un autre précédent, le golem, légende juive dans laquelle un automate géant fabriqué par un inventeur était subitement animé d'une vie mystérieuse, échappait à ses gardiens et terrifiait tout le pays. Pourtant, comme beaucoup des assistants de la présentation de cette semaine ne connaissaient pas ces précédents, l'histoire horrifique de King Kong a causé une sensation qui certainement assurera un long succès à une production dont la réalisation est certainement l'une des choses les plus étonnantes que nous aurons vues jusqu'ici à l'écran. Le scénario reste raisonnable, je ne dirais pas vraisemblable, mais il est enveloppé d'une telle atmosphère de terreur que pas un instant on échappe à son intérêt. Denham, un metteur en scène de cinéma ayant entendu parler à Singapour de certaines îles mystérieuses où personne n'a encore abordé, a décidé d'aborder cette terre et de braquer sa caméra sur des scènes qu'il imagine véritablement sensationnelles. La population vit dans la terreur d'un être fantastique, King Kong, et pour l'apaiser, lui offre périodiquement des sacrifices humains. Denham, qui se tenait prêt à toutes les éventualités, avait emmené avec lui un couple d'artistes de cinéma destinés au besoin à figurer dans quelques scénarios possibles. La jeune star, Anne, est blonde. Et cette femme aux cheveux d'or produit sur la peuplade sauvage une sensation telle que les habitants décident de l'offrir en holocauste à King Kong. C'est alors qu'apparaît un singe monstrueux, haut de 15 mètres, à la face horrible et d'une intelligence presque humaine, près duquel tous les autres hommes paraissent des pygmées. King Kong s'empare de la jeune fille et l'entraîne avec lui dans la forêt. Vous devinez la poursuite de Denham et de ses compagnons pour la délivrer. Ils traversent des marécages horribles, des lacs, des forêts mystérieuses, se heurtent à chaque pas à des bêtes monstrueuses, animaux préhistoriques sur lesquels les fusillades restent parfaitement inoffensives. Denham et ses compagnons parviennent cependant, grâce à des bombes dont ils se sont pourvus, à abattre le gorille monstrueux qui lâche sa proie. On l'enchaîne, et de retour à New York, on exhibe le phénomène solidement enchaîné dans le plus grand théâtre de la ville. Mais, tel Samson, King Kong brise ses entraves et gagne les rues et les places, semant la panique, balayant les automobiles, renversant les voitures du métro. Et escaladant l'immeuble où Denham s'est réfugié, il ressaisit sa proie, l'emporte par-dessus les toits jusqu'au sommet du plus élevé gratte-ciel. Pour le déloger de ce repère à peu près inaccessible, on fait appel à des avions de combat qui attaquent le monstre à coups de mitrailleuse. Mais parfois le gorille saisit au vol les appareils et les jette dans la foule au-dessous de lui. Jusqu'à ce que, mitraillé effroyablement, il s'abîme dans le vide. La réalisation de ces fabuleux tableaux ne peut prêter à sourire à aucun moment. Il y a là une telle dépense d'ingéniosité, une si profonde maîtrise de toutes les ressources de trucage que peut offrir le studio, que ce film soulèvera une curiosité générale. Voici un exemple rare de tout ce qu'il est possible de réaliser à l'écran, où décidément, la fantaisie et l'imagination ne rencontrent plus d'obstacles. Antoine,